de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit RZA. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. En direct avec RZA, c'est maintenant sur Skyrock. Et bienvenue pour le dernier Planet Rap de la semaine avec RZA. Comment ça va? Ça va toujours au top et toi? En pleine forme? Pleine forme. Bon, ce soir, feu d'artifice. Hein. Feu d'artifice, c'est le week-end. Je vois qu'il y a des invités qui sont de retour. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde. Ceux qui sont passés cette semaine. Il y a du nouveau aussi. Oh, bah, on va présenter un petit peu tout le monde dans quelques minutes. Mais juste avant, on va se rappeler, RZA, ce qui s'est passé cette semaine. On a compilé tout ça en 4 minutes 15. Okay. Et une semaine avec RZA, ça donne ça. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Monsieur RZA est là, comment ça va? Bah, ça va très bien, toi. Bienvenue dans ton Planet Rap pendant une semaine. Merci, merci. C'est à toi. C'est à moi, ça y est. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Ça va être la fête. Tu veux la belle go, mais t'es chum. Tu fais le beau, mais t'es seul. On fait du bruit, t'as le seum. Attends, là, j'ai vu une meuf. Quoi? T'es seul? C'est bon, les gars, c'est une meuf. Quoi? Une meuf? Vas-y, chante. Vas-y. Ok. Y'a Farid. Y'a Oussama. Y'a Fred Musa. Y'a Ritza. Y'a une chicha. Goupizza. Sur Skyrock. On fout le halal. Bang, tu fais bang. La gueule, mais t'es jeune. Attends. Tu fais le beau, mais t'es seul. Attends. On fait du bruit, t'as le seul. Attends, là j'ai vu une meuf. Attends. Tu veux la belle go, mais t'es jeune. Attends. Tu fais le beau, mais t'es seul. Attends. On fait du bruit, t'as le seul. Attends. Attends, là j'ai vu une meuf. Attends. T'as super, c'est super. T'as ses pères, c'est super. Mais t'as ses pères et c'est super. Planet Rap. Donc des invités. Alors on commence par qui? Est-ce que tu vas être galant ou t'es pas un mec galant toi? Si, je suis galant, bien sûr. En plus, elle est invitée sur mon album, donc c'est vrai. C'est Diesel. Bienvenue Diesel. Non, bah merci, ça fait plaisir. Ça va, tu veux donner un petit avis? Est-ce que toi tu as écouté l'album de RZA Love? Bah ouais, j'ai écouté, j'ai kiffé. J'aime bien la petite voix de RZA quoi, il se met à rapper de temps en temps. Il rappe, il chante en même temps, ça va, c'est stylé. C'est tout faire les garçons. Mais avant je sais qu'au fond on se ressemble. Pas de doute, on est fait pour être ensemble. En vérité c'est vrai que je t'ai dans la peau. Yes. Si tu vas mal, tu m'as, je te cache pas. Que je suis tombé dans le love, tombé dans le love. Tombé dans le love, tombé dans le love. Tombé dans le love, tombé dans le love. Tombé dans le love, tombé dans le love. C'était toute cette semaine, en direct sur Skyrock. Ce soir ça va mettre le feu. Les essais sous stock, encore mieux que la bœuf. Les racailles en pangaille, la recherche d'un bref. Ou la tête sur la bêtise, même si t'es c'est un truc sur la piste, autant à l'entrée t'étais pas sur la liste. T'es pas prêt mais tu kiffes. Bébé, ce soir on fait la diff. Tu peux être à tourner, en pensant choper. Les meufs pas ta table, on se voulait teaser. Monétiser, cotéliser. Tu t'es fait plumer aux Champs-Élysées. Muchacho, plus rien dans tes poches et t'as voulu te vaisseau. Versace, tes lunettes sont noires mais t'as rien vu la soirée. Toi t'es bête. Hey, toi t'es bête. Tu parles à son mec, tu finiras son mec. Si tu parles à son meuf, tu finiras son meuf. Tu penses me la mettre, tu finiras son mec. Mais toi arrête ton bluff, tu finiras son meuf. La like, pour un like. Tu fais trop le beau, tes réseaux ta go. Pour un like. Continue comme ça, tu finiras son meuf. Planet Rap. J'avais une question, en fait, je voulais savoir d'où vient ton inspiration pour tes musiques, vu que tu dis sur le mic que t'es célibataire. Bonne question. Fred, il a essayé de me piéger depuis 2 jours avec ça, là, je suis foutu. Donc, toutes les meufs qui l'ont largué, c'est là d'où vient l'inspiration. Non, franchement, comme je t'ai dit, c'est surtout le vécu de mon entourage. Vraiment. Non, c'est vrai, je te jure. J'ai pas vécu grand chose là-dedans, moi. Donc, je m'inspire de ça. Là-dedans, tu parles de quoi? Le love. Là-dedans. Ah, ok, donc t'as rien vécu pratiquement. Bon. j'ai vécu des choses, t'inquiète pas. Il y a aussi de mon vécu. Mais il veut pas trop dire, en fait. Pas trop dire si c'est les parties qui ont marché ou les parties qui n'ont pas marché de l'album. On a entendu un joli rire, je disais aussi un joli sourire qu'il a dans le studio. Exactement. Je crois qu'on peut la présenter maintenant. Hein. Bah oui, c'est Kenza Farah, donc je vais. Hello. Ça va et toi? Ouais. Planet Rap. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais. Ma pas me faire confiance sans me devenir parano. L'amour m'a ouvert ses bras, j'ai fini par prendre un chaos. Trop de meufs dans ma vie ont voulu me passer l'anneau. Direct j'ai pris la fuite, j'ai bloqué des numéros. Mais toi t'es différente, tu contrôles mes faits et gestes. Quand tu me parles c'est fou, j'oublie tout et je suis à l'ouest. À ton jeu je me laisse prendre, j'avoue qu'au fond ça me plaît. Si t'y crois on y va, pas du genre à retourner ma référence. C'est Planet Rap sur Skyrock. Avec Ritza toute la semaine entre 20 et 21. Voilà, avec dans l'ordre d'apparition, je vais essayer d'oublier personne. Il y avait Farid et Oussama qui étaient là avec nous. Voilà. Et il y avait le groupe Transition. Il y avait Diesel. Léris, on pense à lui, il n'était pas là. Mais Diesel, Transition, Mercredi. Ah bah vas-y, tu démerdes. Hein, moi, j'avais tout en tête. Vas-y. T'as tout en tête. Non, mais vas-y, mercredi, vas-y. Il y avait aussi Lilia. Il y a Farid qui est passé nous voir. Exact. Hier, il y avait Kenza Farah et Marvin. Et Marvin qui est de retour, que je vois au micro. Exactement. Ça voilà. Va bien, Marvin, en pleine forme. Très bien. Très il bien. S'est pas fait taper dehors, ça va. Non. Parce que à cause de toi. Là, j'avais mis des consignes pourtant en bas, mais c'est bon, il a réussi à s'en sortir. Marvin qui nous a fait un excellent live qu'on peut retrouver sur le Skyrock FM, le live d'hier soir, ou sur le planetrap.skyrock.com. Bah, continuons, faisons un petit peu le tour de table, Ritza. Eh ben, on je te laisse présenter tes invités pour le feu d'invités. Donc à ma gauche il y a Souf que vous pouvez retrouver sur l'album, sur le son Baby. Donc voilà, Souf. Salut Souf. Salut. Ça va? Ça va, la forme et toi? Eh ben écoute, bienvenue dans le Planet Rap. Petite présentation de Souf, un CV Express. Qui tu es, où tu vas, ce que tu vas faire, ce qui est sorti, ce qui est pas sorti. Ouais bah écoute, j'étais venu la dernière fois que je suis venu ici, c'était avec Kaïs pour son Planet Rap. Et depuis, bah, j'ai signé dans le label de Maître Gims, Monstre Marin. Monstre Marin, donc nouvelle signature, on peut l'annoncer, de Monstre Marin. Voilà, j'ai signé fin novembre, et là, j'ai un album qui arrive, premier single aussi. Je maquette, je fais plein de sons, et j'ai un premier single qui va arriver, l'album, dans le courant 2015. Donc courant de l'année 2015, nouvelle signature chez Monstre Marin, il est là avec nous. Yes. Et il est aussi sur ton album, Monsieur Souf. Voilà. Avec un morceau qui s'appelle Baby, qu'on découvrira tout à l'heure. Exactement. Et ensuite, donc on a deux jeunes rappeurs du 95, ouais. Très très prometteurs, qu'on sortit d'ailleurs leur... pareil, ils sont énervants, à 15 piges. D'ailleurs, la précommande. Hein. Je sais même pas s'ils ont 15 piges, les deux d'ailleurs. Non, ah. moi, 17, moi. Je vais moi, 17. Laisser te parler. Et 14, mais là, ah. 15 le 21. Attends, excuse-moi, on a pas entendu le début. Vas-y. Là, j'ai 14, mais le 21, là, samedi, bah, j'aurai 15. Oh bah, pff, magnifique. Donc, dans une c'est semaine, jeune, hein. Il aura 15 piges. Ouais, voilà. Et l'autre, et voilà. Le plus grand. Et moi, j'ai 17 ans. Et c'est un groupe qui s'appelle OR. Voilà. Exactement. Tout à fait. C'est un rappeur très, très prometteur. Que toi, t'as repéré où, Ritza? Mais j'ai repéré grâce à un ami, Tonio. Donc, big up à lui. C'est big up à Tonio. Et à sa fille qui. Et à sa fille, Chloé, voilà. qui les écoute beaucoup. Et à ses frères, Olias. Et Manon Yass, qui fête son anniversaire. Manon, bon anniversaire, Manon. Bon anniversaire. Et voilà, non, vous allez voir qui kick sévère, les deux, en tout cas. Ah, ouais. Les deux, bien sûr. Bah, est-ce que je t'ai ramené un c'est mauvais vrai. Invité de la semaine? C'est vrai, tu as raison de le préciser. Là, c'est la fin, c'est le bouquet final. Il y a du gros monde. On va quand même avoir votre petit CV Express aussi à vous, messieurs. Bon, il va être peut-être très express, très rapide, mais. Bah alors nous, vous avez sorti quoi? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est signé? Qu'est-ce qui arrive? Bah alors on a sorti déjà 4 sons, un truc comme ça, 4 sons sur YouTube, dont un qui a fait 8 millions sur deux vidéos réunies, qui t'a dit. Et voilà, c'est lui qui nous a fait lancer, et on a enchaîné. Et là on revient avec du lourd, la précommande est lancée, elle a été lancée aujourd'hui, Soudé. Le son s'appelle voilà Soudé, donc voilà sur iTunes. Donc voilà une signature chez Game Changer avec Monsieur Sofiane. Voilà. Sofiane qui est là, Sofiane. Bien repéré les petits gars en tout cas, Sofiane. Hein. Bien joué. Il a l'œil. Il a l'œil et l'oreille en tout cas pour les repérer. Et donc ouais, il y a une précommande, c'est quoi? Voilà. C'est pour un morceau là, c'est ça hein? C'est pour le EP qui arrive. Le EP. Voilà, c'est le EP qui sort le 20 avril. Et là en le précommandant, on vous délivre. Un extrait de cette EP. Donc voilà. Le groupe OR, de toute façon vous allez les entendre en live tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Okay. À mon avis, faire un live. Vous allez être conquis dans quelques minutes. Merci. Et juste avant pour débuter, on met le morceau lié comme chaque soir, Ritza. C'est parti. Allez, c'est parti. Hier soir, vous l'avez fait en live avec Kenza. Big up à Kenza Farah. On l'écoute, il est sur l'album, sur la partie digitale de l'album. Exactement, toujours dans les bacs. Nous âmes à jamais liés. On a pris mon cœur pour ça, tout ça n'est pas pour moi. Je me suis fait des films, je connais déjà l'histoire. Tu me trouveras distant, ne me demande pas pourquoi. Quand on m'a tendu la main, moi j'ai souvent dit au revoir. J'ai toujours tout donné, crois-moi j'ai très peu reçu. Au final jamais été complet, à chaque fois déçu. J'ai essayé d'y croire, j'ai fini perdu. Je voulais rester loin mais ton attention me perturbe. Oui j'avoue, oui ça tourne, je joue les doux, je deviens fou. À moi oui j'avoue, oui ça tourne, je joue les doux, nuit et jour. Kelly dans mes fitois, je suis pas facile à gérer. Je vais faire des efforts au cas où t'iras j'irai. Mis en mode, je suis pas sûr, mais au moins j'essaierai. Je sais que t'es pas comme les autres, pas là par intérêt. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à jamais lié, lié, lié, lié. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées, liées, liées, liées. Trop de mal à faire confiance sans devenir parano. L'amour m'a ouvert ses bras, j'ai fini par prendre un chaos. Dans ma vie, on voulait me passer l'anneau. Direct, j'ai pris la fuite, j'ai bloqué des numéros. Mais toi, t'es différente, tu contrôles mes faits et gestes. Quand tu me parles, c'est fou, j'oublie tout et je suis à l'ouest. À ton jeu, je me laisse prendre. J'avoue qu'au fond, ça me plaît. Si tu crois, on y va, pas du genre à retourner ma veste. Oui, j'avoue, oui, ça tourne. Tu me joues des tours, je deviens fou. À moi, oui, j'avoue, oui, ça tourne. Tu me joues des tours, nuit des jours. Ce soir, je t'appartiens, on fait des choses bien. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie qu'on parte loin. T'auras gagné quand tu contrôleras mes humeurs. Tu m'as convaincu, tous les chemins mènent au bonheur. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées, liées, liées, liées. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées, jamais liées, liées, jamais liées, liées, liées, liées. Oublie tes craintes et tes faux pas. Tous les chemins me mènent à toi. Nos âmes à jamais liées, jamais liées, liées, jamais liées, liées, liées. Yeah. Oublie tes craintes et tes faux pas. C'est Ritza avec Kenza Farah lié à l'instant sur la version digitale de l'album qui est dispo depuis lundi. Exactement, dans les bacs, partout, sur iTunes, Play Store, partout. Et ça se passe bien pour l'album. Ça se passe bien. Bon, entouré ce soir, il y a Souf qui est là à tes côtés. Monsieur Marvin Dupuis. Ah oui, Monsieur Dupuis qui est là avec nous. Le groupe OR. La relève. OR, que vous traduisez comment vous, OR? OR, pourquoi? OR, parce que, tout simplement parce que moi c'est Oussema et lui c'est Ryan, donc. On a pris les initiales. Lui c'est. Je me rappelle plus. Ouais, c'est simple, c'est simple. Donc c'est assez simple en fait, ouais. C'est très simple. C'est tout con, faut pas chercher. OR, voilà. La précommande des possibles. Dès maintenant. Voilà. Dès maintenant, avec un EP qui sortira au mois d'avril. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Si je ne dis pas de bêtises, mais sinon vous me rectifiez les gars, pas de problème. C'est ça, c'est ça. Et des petites questions, allez, dernière session de questions pour toi, Ritza. Allez, ce soir, pour cette dernière de la semaine, on accueille tout de suite Maxime de Dinard. Salut Maxime. Salut, ça va? Bah ouais, toi? Ouais, nickel. Salut Maxime. Et bah je te présente un peu tout le monde. Quelle est ta... Quelle est ta question, Maxime? Alors, est-ce que Rita aurait un projet de faire un feat avec MA2X? Non, ce n'est pas dans les projets. Ce n'est pas dans les tuyaux. C'est pas dans les projets, on n'est pas en contact, donc non. Pas pour l'instant. Est-ce que tu penses que ça serait un concurrent pour toi niveau rap, love, R&B? Enfin, un concurrent, je sais pas. Après, comme je l'ai dit, moi, il y a de la place pour tout le monde. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de concurrence. Toi, tu dis pas j'ai des concurrents. Non, voilà, chacun fait son truc et puis on verra. Voilà, moi, je souhaite la réussite à tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Ok, Maxime? Oui, parce que moi j'ai acheté son CD et cartonne de lourd. Ah bah merci beaucoup Maxime, ça fait plaisir. Parce que j'avais fait même une musique sur une reprise de Histoire de cœur et ça avait cartonné. J'ai fait un concert. Eh bah merci beaucoup, hein, ça fait plaisir. Eh bah merci et à toi. Écoutez, tu vas sur YouTube, tu marques Masta reprise Histoire de cœur. Ok, bah écoute, je vais checker ça en rentrant alors. On ira guetter Maxime. Merci à toi Maxime. Merci Maxime, bonne soirée à toi. Pas de soucis. Sabrine. Continuation à toi. Merci poteau. Ah, Maxime, on n'arrive pas à le couper en fait. Maxime, il est enchaîné. Tu penses qu'il dit au revoir et non, en fait, il enchaîne sur un autre. Sabrine de Paris. Salut Sabrine. Oui, bonjour. Ça va bien Sabrine? Oui, ça va. Tu es la dernière à poser une question ce soir. Oui, bah en fait, je voulais savoir, c'est quand ton prochain concert? C'est vrai qu'on demande beaucoup. Tiens, alors. Ça fait bien de... tu fais bien de poser la question. Et ben en fait, demain à 15h, je serai au Cultura de Tours. Donc tu auras un petit showcase avec des dédicaces. Mais Sabrine habite Paris. Ah, Sabrine habite Paris. Et ben on est en train de tout mettre en place, donc on sera. On va savoir ça bientôt. Il y aura toutes les dates de diffuser sur les réseaux. Il y aura une tournée cette fois-ci. Exactement. Pas comme dans les histoires. Non, voilà. Comme, ah, comme dans les histoires. C'est bien, tu suis depuis un moment en tout cas, Sabrine. Ouais, merci à toi. Je suis depuis quelques années avec Souf aussi et Marvin aussi, que je suis aussi. Ah, bah voilà. C'est cool. Donc, merci, c'est gentil. Je vois que tu sais, le 4 avril à Nancy. 4 avril à Nancy. Attends, alors attends, ouais, on file les dates, tu vois. En fait, il est Sabrine chez moi, ne bouge à Nancy, pas. Tu vois, Nancy, c'est ma ville. Donc, voilà, si Nancy. C'était le 4 avril, je suis au White Club à Nancy. Le 4 avril. Que tu m'invites. Il y aura Souf. Eh bah écoutez, voilà. Il y aura Souf. Cool. Le 4 avril à Nancy. Ça n'arrange toujours pas Sabrine qui habite Paris, mais c'est pas grave. Sabrine à Paris, bah j'ai dit. Ça se met en place. On est en train de mettre en place et tu seras au courant. Et alors, tu voulais poser une deuxième et dernière question, Sabrine, on t'écoute. Oui, bah Riza, en fait, c'est pour savoir t'es de quelle origine. On n'arrive pas à le savoir. Espagnol. Ah, bah voilà, d'où le bailando contigo. Exactement. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? T'as compris, c'est sur la casquette. Oui, c'est pour ça, dans bailando. Voilà, c'est ça. Et ben bah, voilà. Continue comme ça et on continue à te suivre. T'es merci beaucoup à toi. On te souhaite une bonne soirée, Sabrine, en tout cas. Merci bonne Sabrine, soirée, ciao. Au revoir. Sabrine qui suit depuis un petit moment, qui fait partie de la team Riza, en tout cas. Ouais, ça fait plaisir. Bah, on peut saluer tout le monde aussi, en profiter. On va mettre, on va mettre un morceau, tout de suite, un morceau avec Souf. Voilà, le morceau Baby. Vous voulez dire un mot dessus, messieurs? Bah, écoute, comment il est né, celui-ci? C'est, en fait, Riza, on se connaît depuis longtemps, parce qu'on a commencé un peu pareil, tu vois, on vient du même cocon, YouTube. Voilà, YouTube, exactement. YouTube, millions de vues. Ouais, c'est toute cette génération qui fait des millions de vues, c'est cool. On est arrivé tout seul, ça s'est fait tout seul, parce que y a des bons contacts avec Justin Records, son label, avec le mien, mon manager, et c'était tout naturel, en fait. Tout naturel, on s'envoyait des messages, et puis un jour, on s'est dit, mec, ça dirait pas qu'on fasse un truc. On a fait un truc, on a fait un son. Ouais, c'est clair. On l'a clippé à Majorque, ça donne un super beau clip. Ouais, on en est très content. Moi, je suis super content du son, et voilà. Ça s'est très bien passé. Maintenant, c'est un feat naturel. De l'album Love de Riza qu'on découvre encore ce soir. Quand je t'ai vu, je t'avoue, j'ai craqué. Pour les histoires de love, moi j'étais pas prêt. Tu as ce côté folle qui te rend si parfaite. En mode avion sur le phone, on va quitter la terre. Demain alliance, c'est vers le calme. Je découvre ton corps et notre lit s'enflamme. Demain alliance, c'est vers le calme. Et tu chuchotes encore si tout ne t'arrête pas. Baby, ne t'inquiète pas, laisse-moi guider. La température monte et tu me donnes chaud. Ne te retiens pas si tu veux crier. J'aime quand tu plantes tes ongles dans ma peau. Dis-moi ce que tu veux de moi. Je serai de taille, c'est promis. Je te donnerai tous les codes et confiance en moi. Je saurai assurer toute la nuit, yeah. Oh la la la la la. Oh la la la la la. Oh yeah. Oh la la la la la. Oh la la la la la. Oh yeah. Je sais que t'as souffert dans ton passé. Je suis pas ton ex, avec moi tu ne pourras pas te lasser. Girl, fais-moi confiance, je suis pas là pour te blesser. J'ai le temps, j'irai doucement, je ne suis pas pressé. Donc relève la tête, tout ça est loin derrière. Rejoins-moi dans les tracks, qu'on se connaisse par cœur. Ce soir en tête à tête, rien qu'à deux sans barrière. Confie-toi dans mes bras, je suis ton âme sœur. Surtout ne t'inquiète pas, laisse-moi guider. La température monte, tu me donnes chaud. Ne te retiens pas si tu veux crier. J'aime quand tu plantes tes ongles dans ma peau. Baby, dis-moi ce que tu veux de moi. Je serai de taille, c'est promis. Je donnerai tous les codes et confiance en moi. Je saurai assurer toute la nuit, yeah. Oh la la la la la. Oh la la la la la. Oh yeah. Oh la la la la la. Oh la la la la la. Oh yeah, yeah. Moi j'ai tout mon temps. Je serai celui qui ne te fera aucun mal. Faut pas croire ce que disent les gens. Qui t'est vraiment, quel est ton idéal? Je serai le seul qui fera tout pour te plaire. Pour toi l'amour ne sera plus un mystère. Dans mes bras je te veux à vivre. Sois pas timide, t'as toute la nuit. Surtout ne t'inquiète pas, laisse-moi guider. La température monte, tu me donnes chaud. Ne te retiens pas si tu veux crier. J'aime quand tu plantes tes ongles dans ma peau. Baby, dis-moi ce que tu veux de moi. Je serai de taille, c'est promis. Je te donnerai tous les codes et confiance en moi. Je saurai assurer toute la nuit, yeah. Oh la la la la la. Oh la la la la la. Oh yeah. Oh la la la. c'est promis. Je te donnerai tous mes codes et confiance en moi. Je saurai assurer toute la nuit. Yeah. Oh la la la la. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Ritza et le morceau aux côtés de Souf qui est là aussi avec nous ce soir, yes, dans le studio entre 20 et 21 dans Planète Rap. L'album s'appelle Love, ce morceau qu'on écoutait. Moi, je suis bien quoi, Fred? Ah. Oh là là, un intrus. Ah là bien là quoi là. Un intrus. Ah, attends. Là là. Un intrus. Bien quoi, Fred? Et toi? Bien quoi aujourd'hui? Il y a, oui, on a pas salué Farid Osama qui était là en début Farid de semaine. Farid était là lundi. Ils sont dans le coin. Comme tu nous as vite zappé, hein. C'est vrai. Désolé, les gars. Voilà. Hein, c'est fou, ça. Regarde, on est là, il prend le micro, bam. Elle a le disponible. Si tu prends le micro, tu veux dire quelque chose d'important, hein, quand t'écoutes. Vas-y. Ouais, juste, attends, ça c'est le plus important. Et que la musique Attends est toujours disponible sur iTunes. Mmh. Et attends. Sortez-le. Eh, l'album de Ritza, il est toujours disponible sur iTunes. Aussi. Il a combien? Je sais pas. Moi, j'aime bien la 8. Il aime bien la 8. Eh ben écoute, ça tombe bien, on doit pas la passer ce soir. Donc... Ah ouais. C'est une bonne nouvelle. Vas-y, Fred. Juste Fred. C'est tout. C'est tout. Tu dis quoi d'autre? Bah, je sais pas. Peut-être tu voulais poser une question à OER que tu découvres, souffle. Non, je les connais, OER. Tu les connais? Bah, ouais, il est insolent, celui-là. Ça va quoi? Tranquille. Ça fait quoi là? Oh, on a Skyrock et toi? Voilà, même moi. Eh, Fred, coupe lui son micro là. Juste Fred. Fred. Un petit truc, je voulais remercier la team OER, on a entêté sur Twitter. Ah voilà, voilà. Bravo. Envoyez OER sur Skyrock. OER sur Skyrock. Et vous pouvez applaudir aussi le départ de Farid. Salut Farid. Bravo Farid, merci d'être passé. Pas de soucis. Non, je voulais juste qu'on revienne deux secondes sur Souf et sur ce que tu prépares aussi, puisqu'il est présent sur ton projet. Il nous disait tout à l'heure, tu nous disais, Souf, que t'es signé sur le label de Maître Gims. Exact. Monstre Marin. Donc, c'en est où concrètement? Ça va être quoi? Plutôt un EP qui va sortir? Non, c'est vraiment album. Album? Ouais, album courant 2015. Et voilà. On fait les choses, ça avance très bien. Moi, je suis super content parce que c'est une équipe qui en veut. Et donc voilà, là il y a le premier single qui arrive. J'ai presque fini en fait tous mes sons. Je vais choisir et on va envoyer ça. Bon bah très bien, donc faudra rester connecté sur les réseaux. Où est-ce qu'on peut te suivre toi, Souf, justement? Souf sur Facebook, sur Twitter, à YouTube, vous pouvez mater aussi. Allez cliquer, allez mater et découvrir Souf, S-O-U-F, pour retrouver Souf qui est là aussi ce soir avec nous. On va revenir dans quelques minutes, peut-être qu'on pourra faire un premier live. Ouais, il y a trois lives ce soir. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Dans un instant, qu'est-ce qu'on fait? On commence par qui? On va commencer par Marvin et moi, donc dans Love, le son de l'album Love, toujours dans les bacs. Ne bougez pas, c'est juste après il va ça. Il va encore faire avec sa voix, il va craquer encore t'embêter un peu. Ne bougez pas. Les SMS, c'est avec le hashtag Ritza sur Skyrock ou au 41 759. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Planète Rap Ritza en direct sur Skyrock. Et c'est reparti pour le Planète Rap avec Ritza, ses invités aussi, et notamment Marvin qui est là. Vous allez nous faire un live là tout de suite. Exactement. Dans quelques minutes, juste avant, comme c'est la dernière ce soir, Ritza, un petit mot sur l'album. Qu'est-ce qu'on a pu oublier de dire sur l'album que tu voulais préciser? Qu'il était lourd. Peut-être. Merci Marvin. Mais en tout cas, moi je voulais remercier vraiment tout le monde, de tous ceux qui ont soutenu, qui ont acheté. Merci aussi à toi pour l'accueil. Donc, merci à Skyrock. Et voilà, tout va bien, les gens ont l'air d'apprécier, donc moi je suis content, ça me va très bien. Et bah très bien, donc on va pouvoir vous écouter maintenant en live, c'est un des morceaux de l'album que vous nous faites. Voilà, c'est ça. T'es dans Love, enregistré au studio New Time Song, Big Up à Akirai. Je rappelle que Marvin est présent par trois fois sur l'album. Ouais, il est partout. Il... C'est bien incrusté sur ton album. Dès que j'allais en studio, il était là, il chantait. Bon, a priori, c'est que les morceaux sont pas mauvais si tu les as mis sur l'album. C'est un de mes préférés. Et bah on y va maintenant en live. C'est parti. Justin Records, Big Up à CM Agency. T'es dans Love, yeah. T'es dans Love. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, t'es dans Love. Quoi que tu dises, t'es plus le même. T'es plus le même. T'es accro, accro. T'es fou d'elle. Tu dis quoi que tu fasses, t'es dans love. J'étais jeune et beau, allure de bad boy. Ce genre de minot, tombé dans un bad love. Pas de problème, pas de vice. On s'aimait, on doutait pas. Tout nous séparait, mais nous on ne se quittait pas. Après les cours on faisait le mur, moi pour l'impressionner, toujours là à faire le dur. J'étais fou, innocent, elle était belle et étincelante. Insouciant, inconscient, moi je voulais seulement qu'on se rassemble. Première histoire de love, première fois que je touche de l'or. Je vois sa tête quand je m'endors, je pense à elle tout le temps. Je veux la voir tout le temps, je faisais pas semblant. Je parlais en tremblant, non j'avais pas honte. On refaisait le monde, à deux sur mon booster, ouais. Nos nuits étaient longues, c'était la belle époque. Matin, midi et soir, nous on délaissait nos potes et on vivait notre histoire. T'es dans love, t'es dans love, t'es dans love. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, t'es dans love, t'es dans love, yeah. Quoi que tu dises, t'es plus le même. T'es accro, accro, t'es fou d'elle. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, t'es dans love, t'es dans love. Ok, ok, on s'est oublié, le temps est passé. Mais dites-moi qui aurait pensé qu'après toutes ces années, en repassant devant son allée, j'ai reconnu sa démarche, fallait que j'aille lui parler. Toujours aussi belle, moi je l'invite à boire un verre. On parle de nous à l'ancienne, je vois un sourire sur ses lèvres. Toujours aussi naturel, moi je l'invite à boire un verre. On délire comme à l'ancienne, baby. J'suis dans love, je la kiffe encore. On a nos codes, complicité de potes. Moi j'suis dans love, je la kiffe encore. C'est réciproque, donc j'suis son pote. C'est bizarre, j'suis refait, les yeux gris. C'est parfait, je suis fou d'elle, c'est pas faux, s'il fallait, je le referais. D'habitude je fuis, boycotteur d'amour, mais tu deviens accro, ouais, quand c'est à ton tour. T'es dans love, t'es dans love, t'es dans love. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, t'es dans love, t'es dans love. Marvin, quoi que tu dises, t'es plus le même. Skyrock, t'es accro, t'es fou d'elle. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, t'es dans love, t'es dans love. Dans love. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, t'es dans love, t'es dans love. Quoi que tu dises, t'es plus le même, plus le même. T'es accro, accro, t'es fou d'elle. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, t'es dans love, t'es dans love. Yes. J'suis dans love, j'la kiffe encore, yes. On a nos codes, complicité de potes. Moi j'suis dans love, j'la kiffe encore. C'est réciproque, donc j'suis son boy. Yes, I. Marvin, t'es dans love. Skyrock, yes. T'es dans love à l'instant. Je crois qu'on peut applaudir Marvin. Merci. C'est tout. Ça. C'est tout. Non, laisse les gens, ils dorment. Le public, il dormait. À l'instant, il a une vraie voix, Marvin. Sérieusement, ils tiennent les téléphones. T'as une vraie voix, mec. Honnêtement, et ça fait plaisir de voir un mec en France qui chante aussi bien, tu vois, avec une voix avec une âme piquée, et qui arrive comme ça avec des vibes R&B. Franchement, c'est. Ouais. Honnêtement, je te souhaite franchement bonne chance. Venant de sous, ça fait plaisir. Et continue, mec. Sérieusement. Je vais continuer. Il s'appelle Marvin Dupuis. On réécoutera d'ailleurs un morceau avec vous deux dans quelques minutes. Un morceau qui s'appelle Progress. Voilà. Avant de passer au live avec OR, ils sont là aussi avec nous. On finira aussi avec un petit freestyle dans quelques minutes. Voilà. Et là, par téléphone, nous sommes avec Auster de Paris. Salut Auster. Ouais, bonsoir Fred. Ça va bien? Ouais, ça va, merci. Tranquille. Salut Auster. Bienvenue dans Planète Rap de Ritza. Ouais, bonsoir toute l'équipe. Ça va ou quoi, vous? Ouais, ça va, merci, tranquille, au calme. Super. Bon, tu es prêt à faire un petit freestyle par téléphone? Ouais, ouais, toujours prêt. C'est ton moment. On y va, mon pote. Ok, merci. Ok, check. J'arrive en force, ma gueule. Et j'ai tellement confiance en moi que j'ai pas besoin de braqueur. L'Eric a le braqueur, préparez les banques de son. Je débarque avec un beat qui fait péter les caissons. Ego, ego trip, ego, ego street. Je parle trop de moi, je suis désolé, je suis égoïste. J'ai fisté tellement de bâtards que je les appelle fiston. Fisté par les brassards, je n'ai qu'un seul dicton. Ils se demandent encore, austère c'est qui ce blanc. Mais ils ont cul tendu, et moi je pisse dedans. Fracassage dedans, si tu parles derrière moi, c'est que je suis loin devant. Je sais que je sers la main à tes pétards, tes hypocrites. Ça fait des messes, passe-moi c'est un vote que je peaufine. Pourquoi flamber vers la rostar, se comparer à un par un. Reste toi-même, une chose est sûre, on partira tous un par un. Ma gueule, ça vient de Paris, beaucoup d'hommes sont fanés. Destinés pour la fanny, j'en ai marre que certains eux, ils prennent ma queue pour de la vanille. Oh, passe-moi une feuille blanche et vierge, tu pourras m'appeler violeur. Parler avec certains, c'est comme pisser dans un violon. Toi t'as tellement le cul violet que ça sert à rien que je sois violent. Rappeur, tu es trop lent, tu as le feu de la quêta. Moi je rappe à la commande et je déboise comme un Beretta. T'as grandi tellement vite, aujourd'hui tu vendetta. Certains vont pas kiffer, mon prochain son s'appelle Vendetta. Cigarette et alcool ne sont qu'une vendetta. À côté y'a la drogue, dis à ton fils de pas rentrer tard. C'est pour ma team de fêtards, ceux avec qui je marche et ceux pour qui je me péta. Je casse le délire comme l'Allemagne face à la Célessa. Oh donc ferme-moi la porte, je vais déceler et ciao. À nouveau parler de moi, j'encaisserai tout comme un pao. Mais ne dis pas que tu vas me taper si tu sais pas mettre un KO. Ok, 7-5 IDF go. Ok, à l'instant Auster en freestyle dans Planète Rap, bravo à toi Auster. Ouais, merci, ça fait plaisir, pick up à l'équipe de Skyrock. Je peux pas lancer mon Facebook? Bah bien sûr, vas-y, on t'écoute Auster. Donc c'est Auster Dame, O-S-T-E-R, espace Dame. Pour ceux qui feront lien, genre avec Amsterdam. Ouais. C'est bien vu. Bien vu, ouais. Et puis, puis voilà, je balance une petite dédicace à ma sœurette et puis pour Ali, ça se reconnaîtra. Et voilà. Et bah merci à toi Auster. Big up bro, bien joué. Ouais, merci bien, c'est cool. Ciao. Et passe une bonne soirée sur Skyrock. Donc Ritza avec nous. Avant de passer au live, on fera OR en live dans quelques minutes. Voilà, mais on a un petit son avant à passer. Juste avant, c'est un morceau qui s'appelle Progress. Voilà, c'est vraiment le seul morceau vraiment rap de l'album. Donc c'est un de mes préférés. Franchement moi aussi. Marvin a apporté beaucoup au titre en plus avec sa voix. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça en espérant que vous allez. Et allez tous choper, tous l'album de Ritza, Love, disponible partout. Il n'y a pas d'exception. Voilà, ah, tout le monde, tout le monde. Vous avez compris ou pas? Voilà. C'est OR qui vous dit merci ça. Merci les frérots, merci. De rien. Ritza, c'est extrait l'album LOVE, Love avec Marvin Dupuis. Exact. Progresse tout de suite. Yes. Petite paire de Nike, survêt du Real, à l'aise. Je fais le tour de ma ville, je fais le tour de ma vie. Progresse, just on. Progresse, progresse. Entre vices et vertus, souvent perdu. J'pense à partir, noyé dans l'amertume. Ici nos mères triment, le cœur meurtri. Ton passé te perturbe quand le futur t'éclaircit. Les pieds sur terre, trop bien dans mes Nike Air. La famille comme repère pour être sûr de pas me perdre. Ma réussite vous change, me dis pas que j'suis pas le même. Tu m'as trahi, j'te pardonne, non poto y'a pas de blé. Maladroit, le cœur appauvri. J'ai mis l'avenir entre les mains d'une femme qui applaudit. Le bien-être de mes proches passe avant ton Audi. Le créateur nous teste, ne crois pas que t'es maudit. On s'attache, on s'accroche, on s'enterre. Maintenant on se met ensemble sans s'aimer, sans se plaire. Génération chelou, peu parle d'amour sans le faire. C'est même plus étonnant de voir un enfant sans père. C'est triste et le décor, ça loue des cœurs à des corps. On connaît ta mélodie, on adapte nos accords. Qui a raison, qui a tort, le silence en dit long. Sache que les plus forts font du bruit mais restent à l'ombre. J'fais ma vie, moi j'progresse. Entouré d'amis, ma team invoque le reste. On avance, on prime, on brille, on encaisse. Mais le son à fond, y'a que ça qui m'apaise. Et j'fais ma vie, moi j'progresse. Ambition, ton poteau, on se redresse. Fâché par l'histoire en excès vitesse. Mais le son à fond, y'a que ça qui m'apaise. Et je fais le vide, moi tout ce que j'entreprends c'est réfléchi, je bâtis ma Yves. Pélo j'ai pris mon temps mais aujourd'hui je sais qu'on valide. Le luxe est dans nos valeurs, pas besoin de sortir un bolide. Je m'évade en X sur un KTM. Les ex dans le rétro piste mon ADN. De l'intérieur on est riche comme un HLM. Et des fois je perds la maîtrise mais je reste le même. Méfiant devant des anges, à l'aise avec un diable. Froid avec les gens, pourtant je côtoie les flammes. J'aime être en danger, tu sais, je côtoie que des femmes. Toujours aussi discret frérot, j'avance en phare. Des erreurs j'en ai fait, du mal j'en ai fait. Des coups j'en ai reçu, plus rien ne me fait d'effet. On oublie mes victoires, on me rappelle mes défaites. On me dit qu'il faut y croire, moi j'écoute que le ciel. Je prends mes distances, t'aimer c'est ce qu'ils disent tous. On dit plus qu'on pense, répète les mêmes discours. Moi je progresse, mon son tourne. Je peux plus ralentir depuis que les vrais m'entourent. Je fais ma vie, moi je progresse. Entouré de la mif, ma team faut que le reste. On avance, on prime, on brille, on encaisse. Mais le son à fond, y'a que ça qui m'apaise. Et je fais ma vie, moi je progresse. Tant pis si on tombe, poteau, on se redresse. Flashé par l'espoir en excès de vitesse. Mais le son à fond, y'a que ça qui m'apaise. Entouré de la mif, ma team fuck le reste. On avance, on trime, on brille, on encaisse. Mais le soir fond, y'a que ça qui m'apaise. J'fais ma vie, moi j'progresse. Tant pis si on tombe, poteau, on se redresse. Flashé par l'espoir, on excès de vitesse. Mais le soir fond, y'a que ça qui m'apaise. Au volant de ma life, je prends des risques. J'm'évade toute la night. J'ai vu trop de gens partir. Mais bon, m'appelle. The role of my life, je m'y vais toute la night. Et donc je garde espoir. Oh yeah. Le morceau s'appelle Progress. Exactement. À l'instant avec Marvin. Ouais, ils sont chauds les tirs. C'est bon, ça y est, ouais. Direct, direct. Et avant tout, déjà, il y a la précommande, ça vous le savez. Puis il y a les réseaux. Donc sur Twitter, vous nous joignez sur OR-du-bas frère de sang. Voilà. Sur Instagram, OR frère de sang. Allez, cliquez. Sur Facebook, OR officiel. Même notre chaîne, c'est OR officiel. Moi, mon Insta, c'est Ous 9500 comme celui-là. Moi, c'est Rian Ben. Non, bah, on n'est pas le même. Comme celui-là de mon frère. Moi, c'est Rian Ben pour Insta. Rian Ben 95, Insta, Twitter. Et Rian Ben pour Facebook. Rappelez, vous tapez sur iTunes soudé voilà. OR. Voilà, le lien de précommande est disponible. Précommande, les gars. Et il y a aussi de l'image qui va bientôt arriver pour c'est vous. Ça. Il y a des clips qui ont été tournés, qui vont arriver là dans les semaines ouais. qui viennent. Ouais, aussi. C'est ça. D'ailleurs, c'est un morceau exclu que vous nous faites là, il me ouais, semble. C'est bah, l'extrait qui est disponible. Voilà. Donc, qui est disponible quand on précommande l'album. Donc, ça, si on précommande l'album là, enfin le EP tout de suite, voilà. On a aussi ce morceau. Voilà. Voilà. Donc, okay, allez cliquer OR. Ils vont le faire en live c'est là. Ça. Et juste avant, ils vont vous convaincre en live, en tout cas, on l'espère. C'est parti, moi je leur laisse le micro. Ritza, tu te mets en retrait d'autres. Moi je les connais, je sais de quoi ils sont capables. Donc, moi je vous laisse kiffer maintenant, c'est à leur tour. Et n'oublie pas, ils sont jeunes, hein. C'est la relève. Donc ils vont faire le taf. Il y a toute l'équipe avec nous. C'est parti. Non, moi je laisse messieurs, le micro à l'équipe, je reprends juste c'est après. À vous. Faites le taf les petits. 1-1-1. On est là pour le trap de Ritza. Eh, n'oubliez pas. On est là. L'homme disponible. Le lien de précommande est dispo sur iTunes. Soudé. Yeah. Yeah. Si la route est longue, pas de marche arrière. Yeah. Yeah. Tous les jours j'improvise mon frère, pas de plan de carrière. Yeah. Yeah. Gucci, Louis Vuitton, Rosas et gros flair. Tout le monde adhère, tout le monde se couche au sol. Là je déborde, je pars, juste au sol avant que le premier coup part. Parti sur la route du sud, c'est pas mon temps. La chance m'a appelé, j'ai passé mon standard. Allô, je suis absent, c'est moi et lui, j'ai percé absent. Quand vient le jour, on veut du genre art, le rap et le art, c'est si et de l'art, c'est dès que toute la France attend. On fait notre route, on fait notre route. On avance avec GC sans aucun doute. Sans aucun doute, sans aucun doute. En espérant remplir la caisse. J'ai un côté dealer, j'accélère sans cesse. Persévère, même en temps de haine. On rêve de grosses caisses de Panamera S. Avoir une belle baraque et les darons à la tête. Des parents pour moi, t'es obligé de passer. Pour la gagne, ça gagne pas mes cartes, il a des belles assurées. T'as assuré dans le rang, le temps pour finir sera mérité. Mon maman, c'est bien ma roman, oui, oui, oui. Attends, ralentir, mais maintenant, toi, mais la deuxième. Deuxième, soit disant rappeur, HM, passe au deuxième. Ouvre ta bouche, l'un de freestyle, personne ne bouge. Yeah, yeah, yeah. Si la route est longue, pas de marche arrière. Yeah, yeah. Tous les jours j'improvise mon frère, pas de plan de carrière. Yeah, yeah. Gucci, Louis Vuitton, Rosas et gros fer. Tout le monde à terre, tout le monde se couche au sol. La route est longue, j'ai fait contaminer. Je recule plus, je peux me freiner. Punch flow rap texte toute l'année. Où tu en es, fait de sorte à marquer. J'encaisse, j'avance, lâche pas jusqu'au bout. J'écris, je mets sur le deck, t'étais en cours. Parle pas chez moi, ne fais pas des détours. Il y a des gars, c'est pas avec un coup. Quand je rappe lourd sur cette froide, y'a rien. Le favorise, c'est la technique, y'a rien. Plein les millions gagnent pour le buzz, y'a rien. La route est longue, je le sais, y'a du chemin. D'arriver, c'est long. Ça prend du temps, ça prend du temps. Vas-y, qu'à fond, qu'on s'en jaille pour un moment. On accélère, t'as du retard. Je veux percer, mais que ça va trop tard. Mais je te vois nulle part. Le vent je le canalise, moi je suis à part. La route est longue, j'ai pas dit le contraire. T'as pas fait le cas, ça jamais de te taire. J'entends les gros concerts, mais moi je tape sous terre. C'est pas du jour au lendemain que je sais que tu perds. Yeah, yeah. Si la route est longue, pas de marche arrière. Yeah, tous les jours j'improvise mon frère, pas de plan carrière. Yeah, yeah. Gucci, Louis Vuitton, Rosas et gros fer. Fer. Tout le monde à terre, tout le monde se couche. On s'en est, on s'en est. Dédicace à Argenteuil, la Zup, Romain Roland, Gustave Mono, allez, tout le monde. Tout le monde, allez, merci roule. Merci à vous. Tu mens. Merci à vous. Le groupe s'appelle OR. Retenez bien ce nom, ils vont marquer le rap français dans les, allez, dans les années à venir. Avec en déjà précommande. En précommande un premier projet, un EP qui est en précommande dès maintenant et qui sortira au mois d'avril. Hein. C'est bien ça, messieurs? Ouais. Vous êtes quelle origine les... Vous êtes quelle origine? Marocain, tunisien. Ah bon, les deux? Ouais. On est frères en fait. Vous préférez quoi, le Maroc ou la Tunisie? La France. Bien joué, bonne réponse, bravo les gars. Et ben, bravo à vous en tout cas. Et bonne chance et longue route à vous. Belle découverte, Pizza. Merci, merci. T'avais dit, ils sont lourds les petits là. Merci à tout le monde, à toute l'équipe qui est. Voilà, merci à Just. Tout le monde. Merci à Just beaucoup de nous avoir invités ici, notamment Ritza. Ouais les gars, merci à vous, en tout cas vous avez fait le taf. Ah ça fatigue hein. Ils sont prêts, ils sont jeunes mais prêts hein. Je sens qu'ils sont prêts ouais. T'as vu, moi je dis, là en tout cas ils ont prouvé. Et bah bravo, bravo à eux. Avant de se quitter on finit aussi sur un dernier live freestyle. Moi j'ai un freestyle ouais, spécial ouais. Est-ce que tu es prêt? Bah moi toujours, attends il est où Ossine? Ossine. On va appeler, ah bah Ossine qui est dans le coin aussi, Ossine qui est passé cette semaine. Ossine qui est passé cette semaine, qui arrive très lourd aussi, allez le follow sur les réseaux. Attends il va prendre le micro. Voilà, qui fait partie de cette équipe d'Orléans aussi. Il avait un groupe qui s'appelait 45 Teroro et maintenant il est en solo. Bonsoir à tous, bonsoir. Ça vient aussi en forme. Salut, ça va? De retour, écoute bienvenue. On fasse un petit peu de place. Soutien le frérot, Ritza, juste un record. On est derrière, on donne la force, on pousse, allez le chercher, toujours disponible. Et on va conclure cette semaine en live. Freestyle. Là, un petit live, un petit freestyle, j'en ai pas fait cette semaine. Eh bah, c'est parti. T'as ramené une instru, ok? Freestyle. Non, c'est pas ça, c'est l'autre instru. Il y en a deux. Mais t'as dit, il y en a deux? Ah non, je n'ai que celui-ci, moi. Je suis désolé, mais Félix, celle-ci, hein, les gars. Eh, Willy, il est fou. Eh, juste. Petit problème technique, mais on va rétablir ça. Ce sont des choses qui arrivent. Tu sais ce qu'on va faire? On va mettre un morceau, on va mettre un morceau, on va retrouver l'instru. Sinon, je pars en impro sur ça, moi je m'en fiche. Ah bah, comme tu veux, t'es prêt à partir en impro dessus? Willy, il arrive. Sinon, Willy, il arrive. Tu veux mettre quoi en attendant? Et bah, mets un petit morceau de l'album pour conclure et juste après, on finira. Mais cette nuit. Et après, on clôture avec ça, c'est bon? Allez. Cette nuit, c'est parti. C'est parti, c'est extrait de l'album. Ritza, Love. Que l'on découvre cette semaine. Because tonight. Because tonight. J'kiffe toute la na na na na na na na na na na na na na na na. Ok ça glisse, vite, baisse les vitres. Mets ton gloss, prie, faut qu'on fasse la diff. Soigné de la tête aux pieds, bien parfumé. J'te demande ton briquet mais c'est pas pour fumer. Dis chicha, amène un mojito. Ce soir c'est Faritas, mon côté latino. J'te mets bien, fais-toi belle, je mise tout. Oui fais-toi plaisir, mets-toi l'aise et fais bisous. J'suis toujours à fond, miss, ne néglige pas. Je n'aime pas trop les ordres, ne m'oblige pas. T'as un déhanché de fou, en gros si tu piges pas. À te pencher comme ça, tu vas en prendre pour 9 mois. On part des bons moments, on oublie les galères. En fait j'suis un gars bien, même si j'en ai pas l'air. Toujours dans les bons plans. Je fais mes affaires, je te follow aussi à des femmes, non pour ça jamais la flemme. Because tonight, je paye mon coup, je régale. On kiffe jusqu'au bout de la nuit. Because tonight, on se fait du bien, y'a pas de mal. On a qu'une vie donc moi je profite. Je kiffe toute la na na na na na na na na na na na na na na na. Je kiffe toute la na na na na na na na na na na na na na na na. J'kiffe toute la night, toute ma life. On visite tout Paname, toi et moi. J'fais des sous, j'me taille pour ma wife. Non, on n'a pas ton time, j'fais les bails. Oublie les somnifères, reste là, ça dort pas. Ça rigole, ça fait le taf. T'aimerais qu'on soit solidaire, okay. M'en veux pas. C'est pas vraiment des fois j'm'isole, mais c'est normal. Ma main dans tes cheveux longs, yeah. All night long. Tu sais ce que j'aime, oh my god. Toi les frissons, all night long. Je sais ce que t'aimes, oh my god. Moi j'ai trop galéré pendant toute ma vie. Maintenant j'ai le sourire aux lèvres et certains m'envient. Avec elle j'oublie tout, peu importe ton avis. Les jaloux sont comme les fakes, il faut les bannir. Because tonight, j'paye mon coup, j'régale. On kiffe jusqu'au bout de la nuit. Because tonight, on se fait du bien, y'a pas de mal. On a qu'une vie donc moi j'profite. J'kiffe toute la na na na na na na na na na na na na na na na. J'kiffe toute la na na na na na na na na na na na na na na na. Tu connais, j'suis en place. Tu le sais, on s'amuse. Une soirée, un palace. J'vais kiffer, pas dans le style. Un briquet, une chicha. J't'ai blessé, je m'excuse. Viens trinquer, tequila. Désolé, j'ai tout pris. Ma main dans tes cheveux longs, all night long. Tu sais ce que j'aime, oh my god. Toi les frissons, all night long. Je sais ce que t'aimes, oh my god. Moi j'ai trop galéré pendant toute ma vie. Maintenant j'ai le sourire au lait, et certains m'envient. Avec elle j'oublie tout, peu importe ton avis. Les jaloux sont comme les fakes, il faut les bannir. Because tonight, j'paye mon coup, j'régale. On kiffe jusqu'au bout de la nuit. Because tonight, on se fait du bien, y'a pas de mal. On a qu'une vie donc moi j'profite. J'kiffe toute la na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na la night. J'kiffe toute la na na na na na na na na na na na na na na. J'kiffe toute la na na na na na na na na na na na na na na. Just on. C'est extrait de l'album de RZA à découvrir ce soir encore entre 20h et 21h. RZA, c'est bon, je crois qu'on a retrouvé le bon instru cette fois-ci. Ça y est, on l'a retrouvé. Je crois là. Qu'on peut attaquer maintenant le live dans Planète Rap. Le freestyle pour on a conclure. Le bon instru, c'est bon. Aussi, une prêt aussi. On est il prêt. Est prêt aussi, allez, toujours, lui. C'est parti. On y va. Love. Justin Records. Love dans les bacs, toujours. RZA, 45 Orléans. Partout okay. En France, vous pouvez télécharger le CD et commander. Compte sur moi, je compte sur mes chiffres. Un conseil qu'on fond pas, fille de joie et joie de vivre. Avec le temps, je prends de la bouteille. Mais je te parle pas d'être ivre, pas là pour marquer l'histoire. Jamais eu la tête dans les livres. Ok, j'ai fait du love, mais qui refuse un paquet de lové. Ok, j'ai eu mes torts et on me reprochera d'innover. Au fond, je t'ai mis d'accord et les plus grands m'ont validé. Demande à Justin Records, ce qu'on prépare, t'as pas idée. Primo, on se connaît pas, donc vous vois moi. Tous ces jaloux sont ceux qui vivent leur rêve à travers toi. Continue à prendre des potes, pas sûr que tu feras les poids. Je mets des fins, je pars en moonwalk après avoir fait le premier pas. Bella ou la Ketal, technicien comme Cabella. Hier j'étais en studio, demain j'serai à Marbella. Là j'suis posé à Skyrock, j'ai taffé pour être là. Tu m'as négligé à l'époque, moi j't'ai dit tu me rappelleras. Ton charme dépend de la marque de ton pare-choc. J'oublie pas qu'il y a un temps, j'me déplaçais à Schlop. Décompresse, fume une clope, appelle tes potes, oublie pas de prier. Une seule façon d'être connu, mille façons de tout plier. Oui on veut tout plier, arrête un peu de trier. Oublie pas que les vrais n'ont pas besoin de se présenter. C'est pour mes frères d'Orléans, j'ai dû souvent trier. C'est en te serrant la main que certains essaieront de te briser comme Paris. Je suis sombre, seul les vrais savent. Le savoir une calache, seul les vrais savent. Conscient et punchline, peu de pages blanches. On rêve de poches pleines de belles plages. J'sais pas, j'penche, j'pense à mes petits frères qui pour rien s'excitent. À ces petites meufs qui pour rien s'exhibent. Le diable existe, m'a fait les yeux tout en lingerie. Ce monde est fou, nous pousse à faire des dingueries. T'as compris, t'as vu qu'on parlait de moi. Qu'est-ce qui se passe, t'as maigri. J'ai taffé, taffé, taffé, on a ce qu'on mérite. À faire classer, oui je vais me casser et jamais revenir. Souvent je suis à l'écart, la réussite m'a rendu bon. J'avais un pote à l'époque, la réussite l'a rendu faux. J'ai souri bêtement un frère, car son bif m'a rendu stone. J'ai embrassé la mif, sachant qu'un jour je serai là-haut. Je rêve de partir, rendez-vous sur le parking. En travers j'accélère, ma life c'est un karting. Recommence la partie, poteau appelle le portier. Les couilles on en a tous, mais peu savent les portes. C'est tes potes, son béton. À trop faire les bandits, les pieds sur le béton. On a mal, on grandit, les grandissent. Trace ta route, écoute pas les gens. On verra si le créateur fera toi une légende. On traîne en bas sur le bitume, trimer c'est nos habitudes. On s'évade sur une bécane, vénère sur nos aptitudes. Nos mères sont dans l'inquiétude, on pense qu'à faire les thunes. Faut que je boycotte des petites femmes qui font les folles pour quelques thunes. Fais des tubes, fais la une. J'arrête pas de cogiter, je prends du recul sous la lune. En couple avec ma plume, solitude. Comme un YZ, je fais du bruit sur iTunes. Tio, fais les choses carrées. Je te le dis, faut se barrer. T'as un flow paré, tout le monde veut faire pareil. Viens pas me parler. Je m'emballe, j'ai assez de problèmes, je vois mon entourage caler. Flow, flow, flow, flow. Très peu m'ont tendu la main. Quand les problèmes font surface, trop se mettent à parler latin. Just stand sur la pelouse, quand toi t'es dans les gradins. On tape sur du long terme, comme le Paris Saint-Germain. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Gros couplet. Love, allez chercher. Love, toujours disponible. Eh ben, une belle semaine qui s'achève à l'instant. Gros avec... beat. Le freestyle de RZA. Merci beaucoup à vous tous pour cette semaine, RZA. Merci à toi beaucoup, vraiment, ça fait plaisir, ça s'est super bien passé. Toujours accueillant, toujours au top. On va saluer tous ceux qui étaient là ce soir. Il y avait Marvin Dupuis qui était là, Souf qui était là. Léo R. Yeah, yeah, yeah. Aussi Nakalash. Tout le monde, Orléans, tout ça. On est là. Merci au R, Souf, Marvin. Merci à tous. Merci voilà, à vous. Merci à ça. Juste un grand merci à RZA. Merci à Just, à toute l'équipe Justin Record. Voilà qui nous a invités, ma gentille. Voilà, je vous remercie. Merci. Et écoute, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. Skyrock. Skyrock t'offre les toutes premières places pour la tournée Maître Gims. La roulette avec Eva Dallès, ça va bien Eva? Oui, ça va, ça va. Bienvenue dans le Planète Rap de RZA. Tu es prête à faire tourner la roulette? Ah oui, pas de souci. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Et Eva en équipe. J'ai entendu. Et bah voilà, c'est Maître Gims, deux places pour la tournée de Gims. Trop cool. En novembre-décembre, quand il va passer dans le sud, tu y seras, Eva. Yes, elle a gagné. Trop cool, merci. Lourd. Et bah de rien, je t'ai fait un bisou, Eva. Trop cool. Est-ce que je peux faire une dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Alors, je fais une dédicace à Sandra, avec qui j'irai au concert, à Laurie, à ma famille, à mon papa qui fête son anniversaire demain. Voilà. Ah bah bon anniversaire, copain. Bisous, bon anniversaire. C'est mon papa, c'est pas mon copain. Ah, c'est le papa, bah encore mieux. Et bah, bisous au papa qui fête son anniversaire. Ciao, voilà. Ben. Allez, bonne soirée. Allez, bisous, ciao, merci. Passe une bonne soirée. Merci à vous tous pour ce Planète Rap. Merci à toi, vraiment, ça fait plaisir. Ritza, on te laisse retourner du côté d'Orléans. Voilà. Ou mais... pas tout de suite, non? Non, demain, demain à Tours. Et demain à Tours. À 15h en showcase et il y a des dédicaces, photos, tout ça. Donc tous à Tours, demain c'est au Cultural. Au Cultural, voilà, c'est ça. Et bah super, merci à vous tous. Merci à toute l'équipe qui était là. On va retrouver D-Fool maintenant. Ah. Et ouais, on est connecté. D-Fool. Et voilà, fin de la semaine de Ritza. Bah, et toi bien? Toujours bien, toujours bien. On a entendu ça, ouais, ce soir encore. On a fini la semaine. J'ai entendu, mais ce sera pour une prochaine bientôt. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, ouais, bah, tu passes nous voir quand tu veux en tout cas, Ritza. Ah bah ça, c'est noté. On salue tout le monde. Et oui, c'est bien noté. C'est enregistré en plus, t'imagines? Ah, c'est bon ça. Et ouais. Nous, on est là jusqu'à minuit sur Skyrock. C'est parti, c'est vendredi. On est en direct. Fredo, la semaine prochaine dans Planète Rap, tiens, dis-nous. C'est un autre gars du 45 qui débarque, c'est Dossé qui débarque. Pas lui, hein. Il va Dossé qui débarque avec son album Perestroïka. Perestroïka, voilà. À découvrir la semaine prochaine donc dans Planète Rap. Et puis on te retrouve, Fredo, à minuit pour la nocturne de Planète Rap. Nocturne avec Manuquet de la Mafia Quinfri, une heure avec des sons de Carlito et un petit hommage à DJ Mehdi aussi. C'est ce soir. Ce soir, à minuit, juste après la radio juste libre. Juste après vous. Donc on te laisse te préparer, Fred, et puis on te retrouve tout à l'heure. J'y vais. Bon, ben nous on est prêts, hein. C'est parti. Jusqu'à minuit sur Skyrock. Radio libre, en allez, direct ciao. Avec Maître Gims et McTayer. Salut Ritza, à la prochaine. Ciao. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Et des places pour Maître Gims à gagner. Merci, merci pour ces applaudissements. Je mérite pas, merci. Des applaudissements nourris. Oui. Et donc dans un instant, Maître Gims, McTayer, vous tous en direct, vous toutes en direct de toute la France, au 01 53 40 30 20, vous pouvez appeler dès maintenant. Salut tous ceux qui sont déjà là sur SMS, sur le net. Bonjour à Audrey, bonjour à Raphaël, à Fabri, à Saint-Jean qui vient d'arriver aussi. Bon, vous faites péter tout ça, on est en direct, on est là jusqu'à minuit, toute l'équipe débarque dans un instant. À tout à l'heure, Fredo. Ciao, ciao à toutes. Salut Ritza, ciao. Et là c'est parti, Radio Libre jusqu'à minuit, avec McTayer et Maître Gims. Laisse-moi te dire.